La campagne municipale qui s'est poursuivie également au cours de la fin de semaine avec Démocratie Québec qui essaie tant bien que mal de retenir l'attention avec plus ou moins de succès. Ben, je suis content au moins d'un engagement qui nous donne l'heure juste sur ce qu'ils veulent, là. Démocratie Québec promet des voies réservées sur Henri IV. Oui, et ça, vois-tu, c'était dans les journaux de samedi matin, puis ça vaut la peine de revenir là-dessus ce matin. Ils veulent une autoroute en Henri IV, oui, élargie, mais qui devra faire place à des voies réservées au transport en commun. Et c'est le chef de Démocratie Québec, David Lemelin, qui a dit, entre autres, qu'il se rangeait derrière les intentions du ministre des Transports, Sylvain Godreau. Fait que lui, il pense exactement pareil comme le ministre des Transports, contrairement à ce que pense le maire de Québec, qui lui dit, oui, il faut élargir Henri IV, mais il faut que ce soit pour les automobilistes. Alors que David Lemelin, lui, préconise la fameuse voie réservée sur Henri IV. Non. On n'est pas sorti du bois, hein? On n'est pas sorti du bois avec ce parti-là. Ouais. Et David Lemelin également qui disait hier qu'il fallait repenser le boulevard Hamel, secteur ouest du boulevard Hamel. Ouais. Il dit que c'est un peu trop disparate, les largeurs entre autres de la chaussée. Ça marche pas. T'as des endroits où c'est plus large, des endroits où c'est plus étroit. Honnêtement, là, je comprends que ça peut être l'entrée de la ville dans le secteur ouest, là, mais tu veux faire quoi avec le boulevard Hamel exactement là? C'est loin d'être une priorité, à mon avis, à moi. Contentons-nous de faire rouler le monde sur de l'asphalte de qualité. Puis on parlait d'Henri Bourassa Nord tantôt, là, mais des places à Québec où ce qu'on est sur des chemins de trail, là. Ouais. Alors qu'il y a des travaux partout. Hein. Moi, c'est ça qui m'inquiète actuellement. C'est que là, on est débordé de travaux en pleine ville, mais c'est parce qu'il y a autant de places ou de secteurs à refaire qu'il y en a qui sont faits présentement. On n'est pas sorti du bois. Non, ça là-dessus, bon, on a tellement négligé ça pendant des années, mais je pense qu'on en parlait tantôt, Denis, je pense qu'il y a rien qui bat le coin de Charlebourg. C'est terrible. Sérieux, là? C'est l'enfer. Henri Bourassa, Jean Talon, le coin du boulevard Cloutier puis d'Henri Bourassa, plus au nord aussi sur Henri Bourassa, vous êtes patient en tabarouette, les gens de Charlebourg. Il doit y avoir du trafic pas mal le matin dans ces secteurs-là.